Jean-François Augoyard. Je voulais vous remercier d'avoir tenu toute la journée, sans vous plaindre, ou en tout cas sans avoir exprimé votre plainte. Je souhaite que cette journée fasse un peu de bruit. Je crois que c'est une ouverture et nous souhaitons pour notre part continuer ce genre de rencontre en se donnant, j'espère, un petit peu plus de temps pour débattre. Encore une fois, merci. Ce résumé bilan est une réalisation d'Ixit avec l'avis scientifique de Jean-François Augoyard.